Ah merde, tu m'as la prod. Ah merde, tu m'as la prod. Frère, parle peu, car faut assumer après. Dur de refermer la plaie quand tu remues le poignard. Sans l'odeur du traquenard, la sueur du bagnard. On vagabonde entre pisse et briques rouges. Triste, j'écris sous tease, ouais, j'kiffe ces petites routines. Quand ma fille se couche, j'mets le rôle du père au placard. J'suis du père, lance la prod que j'rappe mes tracas. On voit la vie sous tous ces drames, j'ai pas vécu le quart. J'suis bon capéra dans un véhicule crade. Il suffit d'une femme pour changer un homme, d'une lame pour changer la donne. Une arme, un chargeur, un boom. J'essaie d'être quelqu'un de bon sans prétention. J'ai des poteaux qui percent dans le son, d'autres en détention. Trop de questions se posent, les réponses à l'agonie. Appuie sur pause, ça va trop vite, puis c'est calme dans la chronique. La gueule en vrac, j'sais pas où j'vais, si ça va bien se passer. Et saison pas, j'sais plus si c'est mal, si c'est bien de penser. J'ai fait du tort et ça me réveille, j'suis fait de faux pas de rature. Putain, la vie c'est dur, tu sais, faut pas se rater. De point fixe, mais point fixe, l'amertume à la drogue. Tout ce que j'écris, t'es à la prof, l'amertume à la prod. J'suis loin d'être sûr, j'fais partie de ces gens oubliés. J'suis plein de blessures et j'serais que le père de gamin d'ouvrier. J'pars, j'finis ta flic flac et j'quitte l'appart. Dans ma tête, j'entends des ou le bruit de la basse. Parce que c'est dur, parce que la monde, ça reste pas assez de veuve. Parce qu'on sature, j'ai crié fort et puis j'ai frappé le keuf. Trou dans le crâne, la peine, la merde, c'est pas la frère. Des crises d'angoisse, des cris, des rêves, des affaires par la fenêtre. J'entends la suite, paisible, j'ai jamais tant d'inspire. Roule un spliff et monte le son si t'as besoin d'un psy.